Gibi, Gibi, ye man a gashed bantan. Sibi, ye man a shins la blensan. Dimi, dimi rap, dimi lion. Kopan de deke yo Batman. Pas yo vin a trot si yon flas pou yo pe batyan. Meti li do ki pre pe bantan. Tou sel kon trot magnum da le fok. A la Nicky Lawson ka bim bing bang. E la tout moun an ka yetone. Yo vin a trot meti tou sel le glok la menm detone. Wout boy fot pa ko dekone. Bas le yon vansye wou ka soupliye. Hol mey di fada ke yon ve priye. An pe mey yon ve pa sali la menm pou ti ben respi. An be la zel an m gaz. Son ke yon ve reste li yon ve ka ride. Ke lor ka rete kan douvan yo. Ridiculize yo my friend ridiculize yo. An pe men yon ve pa sali nan men mwen pou ti be respe. Humble la zel am ga son ke yon ve reste li yon ve ka ride. Ke lor ka rete kan douvan yo. Ridiculize yo pas les pou rapole pi yo. Maskot ni dot ki ve bat dot. Pompa wali di yon dot. Freya sa rale yon glop. Zante we pou kwen dot ki ke mon trezor. Ke yi se yon wil pou sove l'onèk a sakrifye la vil. Pou mwen disrespect si yon koutèk ta la pou rachet. Mwen en ple tèt e yon ple si di kèy fèy di san frè. Pou mwen tre yi se yon wil ti bo ga met l'apne ou en peril. En peril en pe men yon ve pa. Sa pou kèlek mwen pou tbe respe. En me la zelan gason kè yon ve respe. Ka ridicule ou ka rete kan douvan yo. Ridiculize yo gason ridiculize yo. En pe men yon ve pa. Sa pou kèlek mwen pou tbe respe. En me la zelan gason kè yon ve respe. Ka ridicule ou ka rete kan douvan yo. Ridiculize yo pas les pou rapo le pi. Da la santi ke pet l'onel e yo di ke famay se wal pa. Jouta la yon ke pito trouve yo si gazin yo la lot. Pou rap pran la fuit. Fom la pran kout koutou an twist. Me y senti se pase, y senti ke sa se yon bolu. Alors y pran l'esens. E il le mey kon an bonji. Gade y brile la manje. Senti pa de sa chebe le y realize. Ke la joli te destine. Y pran glok. Et là c'est tête lui qui fait sauter. Là son cas fly qu'on commette. Choc lui ma tête que pas d'empêcher moi commette. Envers moi t'es ni dette mais je la paye il disparaît. Alors tête moi vine chaud et la langue. Mais moi vine frette. Allez n'a pas que ta wa connaître garçon. Que moi même c'est fan tête. Sans physique sans coupe la de n'a vata. Qu'on chalut brun son enfo de gauche. Après on va doit être là. On y en a foutu sous la place. Eh ben y'en des soldats. Almighty father raché de moi donc. En paix, mais y'en veut pas ça, non, mais pour te bon respect. En belle à zèle, en garçon, que y'en veut rester. Y'en veut qu'à ridicule, on qu'à ridicule, tout va yo. Ridiculise yo, my friend, ridiculise yo. En paix, mais y'en veut pas ça, non, mais pour te bon respect. En belle à zèle, en garçon, que y'en veut rester. L'on ka rete kam douvan yo. Ridiculize yo. Paske les pou ka pou le pli yo. Yo konese Timi la timi lion. Wati lion. Yaman a Mr. Lion. Ganga le le le. Yaman a big up gashet. Yaman a gashet bantan. Sibi sibi. Yaman a shins la blenton. Nou pe men nou ve pa. Nou pe men nou ve pa. Nou pe men nou ve pa. Nou pe. Nou pe men nou ve pa. Nou pe men nou ve pa. Sali nan men nou pou ti bon respe. An bel a zel an mou gason. Ke nou ve respe ye mana. Jibi jibi gachet bantan. Sibi sibi shins la blensan. Adena adena fraksa. Ye man wakonet. Overdose you know caporal gaz. Wakonet magic. Kolo shangem koban pa balaga shet check check check check check check check.